la balle, jette la balle et c'est ce qu'on te propose. Pas de l'hériste, on risque plein de chichi. On fout le feu, dit que c'est chaud, sachant qu'on baisse. On fera tout pour avoir du baisse. Quand je permets de poser des lyrics sur le chrome, et je promets de rester promé. À cette heure-là, faut bien jouer le chroma. Sous cassette chrome ou sur CD, tu sais nous on cédé. Chose, c'est qu'on a trop de chance, donc va falloir céder. Ici on cède, et c'est ça qui fait qu'ici dans ce secteur, tout le monde cédant. Et si c'est qu'on vend comme ça, d'où tu cherches d'où? Chant mes phrases et mes faces qu'assourdis. Oh oh, tu crois que je suis qui? Faut choquer comme Chucky et Shaky. Voudrais ma peau me shooter pour un échec. Et plus de 1000 checks me font par jour, va falloir je bouffe 1000 checks. Fallait bien qu'on rentre en scène et de ce qu'Arla se présente. Faut-il encore qu'on représente depuis qu'on s'opte une rime pesante. Descente aux enfers, appelle les renforts, ça sent la mort, faut s'en faire. Depuis si longtemps qu'on s'enferme, on s'en fort. Façon à cette vie, on s'y est fait, fallait bien que tout ça prenne forme. Y'aura pas de réforme, si tu kiffes pas la ferme, à deux on forme une cloison. Repenti un poison, si un jour on te plissait, pas que pour ton fric. Dans ton froc, fallait pas pisser, tisser nos toiles, c'est fait. Si des MC sont mis à poil, cherche pas à savoir qui c'est. Aucun de nos plans on dévoile, ce serait comme 10 de dégâts contre les deux frères Cissé. Je t'explique même pas les dégâts. D'ici j'entends décrisser, t'as clic et craque, tout se croque de mon crew. Les deux escrocs sont tissors, tu me crois si je te dis ça. Vas-y fils fais fils ça, dis ça aux autres. Et qu'on ne te demande pas c'est qui ça. L'écoute de trait entre autres, sache que jamais on oublie ça. Une balle avant la bombe ça dit quelque chose. Une bombe après la balle, c'est de la balle et c'est ce qu'on te propose. Pas de risques, on risque plein de chichi. On fout le feu, dit que c'est chaud, sachant qu'on baise. On fera tout pour avoir du baise. Une balle avant la bombe ça dit quelque chose. Une bombe après la balle, c'est de la balle et c'est ce qu'on te propose. Pas de risques, on risque plein de chichi. On fout le feu. Dix c'est chaud, sachant qu'on baisse. On fera tout pour avoir du baisse. Au chromie, à laisser, impossible qu'il déçoit. Tous ont essayé de tester, à présent tous déçus, c'est de soi. Tout ce qui ferait me fait dire, ça va de soi, sûr qu'il faut partir. Je compte pas me retrouver par terre, cette fois moi je dis à partir. Du moment que je nourris mon maman, on a pas que ça à faire, à se faire des soucis. Et si c'est armé, ouais, je gagne jusqu'à souci. Je dois passer des vacances, ça le fera. Monter sur scène, ça le fera. Le disque d'or, ça le fera. Et s'il faut rester franc, et ça qui compte le plus, frangin. Je veux pas avoir froid, j'ai non plus besoin de frangin. On vit comme on peut, moi j'ai choisi le rap et franchement le rap kiffe. C'est ce qui fait que je rap. Si mon genre de sniff, moi on t'offre. Si tu kiffes mon taf, ou tire-toi les chips. Si tu me jalouses, ADES au mic, c'est pour les siens qui donnent le blues. Donc là, je veux pas qu'ils soient connus partout, tu piges. J'compte ton net page, gars, après tout, j'ai que 19 piges. Faut que ça crève. Faut pas que ça se relève, qu'on relève la tête. Qu'on représente cette soi-disant relève. Trop de gars nous guettent, y'a pas de doute. Faut pas être bête pour voir que le temps se gâte. À croire que nos dettes sont mises à prix, à l'escrit là ça date. Faudra qu'on se batte jusqu'au bout. Y'aura pas moyen qu'on se rabatte, même rabatte. T'inquiète, le duo tient debout. Ça va faire 5 piges qu'on tient le coup. Qu'on reste à Paris, préparé. Pour le reste sur Paris, un mini LP apparaît. Encore plus préparé, y'a pas d'as qui paraît. Hadès l'a dit, on réapparaît. Une balle avant la bombe, ça dit quelque chose. Une bombe après la balle, c'est de la balle et c'est ce qu'on te propose. Pas de risques, on risque plein de chichi. On fout le feu, dit que c'est chaud, sachant qu'on baise. On fera tout pour avoir du baise. Une balle avant la bombe, ça dit quelque chose. Une bombe après la balle, c'est de la balle et c'est ce qu'on propose. Pas de risques, on risque plein de chichi. On fout le feu, dit que c'est chaud, sachant qu'on baise. On fera tout pour avoir du baise. Une balle avant la bombe, ça dit quelque chose. Une bombe après la balle, c'est de la balle et c'est ce qu'on propose. Pas de risques, on risque plein de chichi. On fout le feu, dit que c'est chaud, sachant qu'on baise. On fera tout pour avoir du baise. Une balle avant la bombe, ça dit quelque chose. Une bombe après la balle, c'est de la balle et c'est ce qu'on propose. Pas de risques, on risque plein de chichi. On fout le feu, dit que c'est chaud, sachant qu'on baise. On fera tout pour avoir du baise.